les deux lutins du Père Noël qui viennent prendre le micro et vous accompagner pour le podcast de l'Avent. Et quand on dit l'Avent, bah il y a du vent, il y a une tempête chez nous en Laponie, il y a plein de neige, c'est trop beau. T'as vu ça ? Incroyable ! Et justement, bah là on se sent bien dans l'ambiance de Noël et aujourd'hui sur cette case 17, eh ben c'est pas une bêtise, c'est des conseils pour s'immerger dans l'ambiance de Noël. Comment on fait pour se sentir vraiment dans Noël ? Moi j'en ai quelques-uns des conseils. Oh bah ça tombe bien Titou. Dis-moi, alors premier conseil. Mon premier conseil c'est d'avoir un beau grand sapin. Oh, mais on en a un là qui est immense. Y a quoi en haut du sapin ? Une étoile dorée. Et c'est quoi les couleurs du sapin, les principales couleurs qui permettent vraiment de se plonger dans Noël ? Rouge et blanc. Ah oui, c'est vrai. Il y a d'autres choses. Je vois en haut, il y a des... Lutins. Il y a des lutins du Père Noël, on est représentés, ça fait plaisir. Il y a aussi un petit bonhomme de neige, des bâtons de sucre, c'est trop bon. Oh, j'ai envie de, presque d'en arracher un, pas toi ? Pareil, j'en ai un dans ma poche. Alors, un beau sapin, ça permet vraiment de se sentir dans l'esprit de Noël. Il y a d'autres choses ? Des guirlandes pour décorer le sapin. Bien sûr, et vous pouvez en mettre dans la maison d'ailleurs. Ouais, des décorations pour la maison. Oui, alors si je regarde nous dans notre chalet du Père Noël, on a quoi ? On a des billes. Des biches, oui c'est vrai, et des rennes aussi. Et aussi des écureuils. Des écureuils qui sont tout blancs, parce que nous en Laponie, quasiment tous les animaux, ils ont des belles fourrures blanches. Le renard blanc, l'écureuil blanc. L'ours blanc. Oui, c'est trop bien. Un autre conseil pour rentrer vraiment pleinement dans les fêtes de Noël. Un beau feu. Oh, c'est tellement important, ça réchauffe. Oui, nous on a la chance d'avoir un grand foyer. Tu mets quel type de bûche ? Des moyennes, pas trop grosses ni trop petites. Oui. C'est quoi comme arbre ? Le sapin ! Et ça donne une bonne odeur dans tout notre chalet. Hein. J'ai l'impression d'être au cœur de la forêt. Trop bien. Et écoutez ce bruit. Autre conseil. Des grelots aussi. Oh ! On dirait que c'est le traîneau du Père Noël qui arrive. J'ai l'impression de le voir, le Père Noël. J'ai hâte de le retrouver, d'ailleurs. Est-ce que t'as un dernier conseil ? Les chansons de Noël ! Ah oui, les chansons. Chanter en famille, entre amis. C'est ça qui fait vraiment la ferveur de Noël. Est-ce que t'as une petite chanson, Titou ? Oui, j'en ai une. Je peux vous la réciter. Vas-y, chante-la nous. Dans un manteau rouge et blond, sur un traîneau porté par le vent, qui descenda par la cheminée, petit garçon, il est l'heure d'aller se coucher. Bravo ! C'est formidable ! Moi, j'étais dans l'ambiance. Beaucoup de conseils pour vraiment se plonger dans cet esprit de Noël. Merci, Titou. Et on se dit à demain ! À demain ! À demain ! Au revoir !